Chapitre 10. Bilan. L'expression du temps. Exercice 2. Il va en discothèque le samedi. 1. On va au théâtre ce soir. 2. Je vais au cinéma samedi. 3. Vous allez en randonnée ce dimanche. 4. Ils vont au musée le mercredi. 5. Tu vas au stade le week-end. 6. Elle va à la bibliothèque mercredi.